Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. Vous le savez, les lézards font repousser leur queue. Les étoiles de mer régénèrent aussi leurs bras. Et notre peau aussi se reconstruit après une blessure, bien heureusement pour nous d'ailleurs. Et les êtres vivants ont donc la faculté de reconstruire une partie de leur corps, mais jusqu'à une certaine mesure seulement. Alors, certains animaux se démarquent par leur capacité remarquable de régénération. Quels sont ces mécanismes sous-jacents? Et est-ce qu'il existe aussi des applications thérapeutiques pour l'homme? Alors, Adèle Mazurek est avec nous pour nous en parler. Bonjour Adèle. Bonjour Valérie. Et finalement, ces capacités de régénération, de quoi s'agit-il? On va prendre l'exemple d'un animal que tout le monde connaît pour ses capacités de régénération, c'est le lézard. Mm-hmm. Donc tu as peut-être déjà fait l'expérience, si tu essayes d'attraper sa queue, il va la perdre, la laisser en arrière. Je suis pas sadique à ce point. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent à ça quand ils sont jeunes. Et finalement, ça leur fait pas mal et puis ils la font repousser par la suite. Alors la queue se détache au niveau des vertèbres. Et il y a aussi des sphincters, ce sont des petits muscles qui se referment, qui vont éviter l'hémorragie mm-hmm. au moment où le membre est arraché. Et ensuite, il peut régénérer complètement les nerfs, les vaisseaux sanguins, la peau de sa queue pour la reconstruire. Alors, il faut à peu près, enfin, jusqu'à 60 jours selon les espèces pour aboutir à une nouvelle queue fonctionnelle. D'accord. Et la nouvelle queue, est-ce qu'elle est semblable à la queue perdue? Autrement dit, est-ce que la repousse est fidèle? Non, physiquement, le motif déjà peut être différent. On voit ça par exemple aussi chez les salamandres. La nouvelle queue repousse à partir de l'endroit amputé. Les vertèbres sont remplacées par un tube cartilagineux et cette nouvelle section aussi, elle est dépourvue de sphincter. Mm-hmm. Donc tout ça, ça veut dire que si le lézard doit perdre une nouvelle fois sa queue, ce qui peut arriver quand il est par exemple poursuivi par des prédateurs, la section va se faire au niveau de l'ancien segment et pas sur la nouvelle. D'accord. Et est-ce qu'on connaît les mécanismes qui permettent cette régénération? Une étude publiée le 20 août dernier a en effet permis de mettre en évidence 326 gènes, donc autrement dit des segments d'ADN pour simplifier, qui sont impliqués dans ces mécanismes de réparation et de développement. Alors les expériences là ont été réalisées sur une espèce de lézard qui mesure environ 20 cm de long et qui vit entre autres aux États-Unis, au Mexique et aux Bahamas. Alors, ils ont également découvert, ces chercheurs, que les cellules se multiplient au sein des nouveaux tissus qui créent la nouvelle queue pour former les muscles, le cartilage ou la peau. Mais le plus étonnant dans cette étude, c'est que presque tous les gènes identifiés, donc ces 326 gènes, mm-hmm. sont présents dans le génome de l'être humain. Mmh, ça, c'est intéressant. Mais est-ce que ça veut dire qu'il serait possible qu'on fasse aussi repousser nos organes, nous autres? Ça serait génial, mais ouais. Malheureusement, non. Oui, hein, il me semble que ça ne se passe pas comme ça. Non, ce n'est pas aussi facile. En revanche, cette découverte peut ouvrir des voies sur de nouvelles recherches et à long terme de nouveaux traitements thérapeutiques pour, par exemple, des malformations congénitales, des lésions de la moelle épinière ou des maladies comme l'arthrite qui est une inflammation des articulations. Mmh. Et si le lézard et l'humain ont ces gènes de régénération, sans doute que d'autres animaux également. Donc, est-ce qu'il y a d'autres animaux que le lézard qui sont étudiés pour ses capacités de régénération? Il doit sûrement en avoir plusieurs, notamment chez les salamandres. Alors, il y a un petit animal qui est assez drôle qui s'appelle l'axolote. L'axolote, c'est pas très connu du grand public, pourtant c'est assez étonnant. C'est une salamandre qui est originaire du Mexique et qui a la particularité de passer toute sa vie à l'état larvaire sans jamais se métamorphoser en adulte. Mmh. Donc c'est un peu comme s'il restait enfant toute sa vie. Mmh. Et seulement des conditions extrêmes comme une sécheresse ou des stimulations chimiques en laboratoire par exemple vont lui faire prendre cette forme adulte-là. Alors, il est déjà particulier par son physique parce que il a trois branchies externes de chaque côté de la tête. Donc, mm-hmm. ça lui fait un visage un peu bizarre. Et puis, il peut avoir la peau très, très claire. Alors, je vous invite à aller chercher Axolot sur Internet. Peut-être qu'on peut dire comment ça s'écrit parce que c'est bizarre, hein, oui. Axolot. Alors, c'est A-X-O-L-O-T-L. Mm-hmm. Donc, si vous voulez aller voir des photos, ça vaut le coup. Alors, en plus de son physique, il est quand même très étudié pour sa capacité à régénérer des parties de son corps. Alors, pas que sa queue comme le lézard, mais aussi ses branchies et même ses yeux. Mmh. Et certains autres organes aussi, comme le cœur, apparemment seraient capables de régénération. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amputation? Il y a un blastème, c'est-à-dire une petite bosse qui est composée de milliers de cellules qui vont se multiplier pour former les vaisseaux sanguins, les muscles, les nerfs, les os et la peau pour rendre ensuite le nouveau membre entièrement fonctionnel. D'accord, mais comment il fait pour régénérer ses membres, cet axolote? Alors, il semblerait que ce soit les macrophages, donc des cellules du système immunitaire qui sont responsables de ce phénomène de régénérescence. Alors, les macrophages interviennent chez cet amphibien, mais aussi chez nous, dans le processus de cicatrisation. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable des mêmes prouesses? Parce que ben, nous aussi, on a donc ces 300 et quelques gènes, on a des macrophages, donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable des mêmes prouesses? Les réponses à ce sujet sont partagées. Alors, il y a certains chercheurs qui pensent qu'il s'agit d'une capacité ancestrale qu'on a aujourd'hui perdue, qui est inactive. Mm-hmm. Et pour eux, en quelque sorte, il ne resterait plus qu'à trouver le bouton on pour réactiver cette fonction. J'imagine que ce n'est pas si simple que ça, de trouver. Ça semble très simple comme ça, mais non, je ne pense pas. Et d'autres scientifiques ont découvert, eux, que des gènes importants impliqués dans la régénération chez mm-hmm. l'axolote n'existent pas chez l'homme et donc, du coup, nous priveraient de cette faculté-là. Voilà. Donc, ces recherches sur l'axolote, est-ce qu'elles ont des applications médicales, comme c'est le cas, tu en as parlé tout à l'heure, pour les recherches menées sur le lézard? Oui, d'autant plus que l'axolote a un autre atout, c'est sa remarquable tolérance aux greffes. Mm-hmm. Alors, concrètement, comprendre les mécanismes sous-jacents pourrait permettre de traiter des lésions cérébrales, réparer, par exemple, un cœur abîmé par un infarctus, régénérer des moelles épinières, favoriser mm-hmm. des cicatrisations et puis aussi mieux comprendre le rejet de greffe chez certains patients. Ouais, donc on voit pas mal d'applications effectivement. Oui, mais on est encore très loin de pouvoir se faire repousser un bras ou une jambe ouais. malheureusement. Ouais. Et pour en finir, est-ce que l'homme lui-même a des capacités de régénération, outre le fait que quand on se blesse superficiellement, la peau se refait? Oui, on a par exemple le foie qui est un organe qui peut en partie se reformer mm-hmm. si par exemple il est détruit par une maladie ou une lésion. Alors évidemment, dans certaines mesures, hein, quand c'est trop endommagé, ça ne fonctionne pas. Donc il va retrouver sa taille initiale, mais pas sa forme, par exemple. Mm-hmm. On a vu aussi que chez certains enfants très jeunes, de moins de 30 jours, on a vu des capacités de régénération qui sont impossibles chez l'enfant plus âgé ou chez l'adulte. Mm-hmm. Alors par exemple, suite à un accident, malheureusement, un bébé avait perdu la dernière phalangette, elle avait été sectionnée. Donc le bout du doigt? Le bout du doigt, et il s'est reconstruit de façon complète dans les jours qui ont suivi. Mm-hmm. Donc c'est vrai que d'énormes avancées ont été faites dans ce domaine, notamment grâce aux recherches sur les cellules souches. Alors je rappelle, ce sont ces cellules qui ne sont pas encore spécialisées et qui ont le potentiel de se transformer en cellules sanguines, ouais. mais aussi en cellules musculaires ou en tout autre type de cellules. Mais pour l'instant, réveiller des gènes endormis pour activer le processus de régénération, ça relève encore de la science-fiction. Mais qui sait quand même où nous mènerons les recherches scientifiques qui sont menées actuellement. Puis de toute façon, c'est un domaine de recherche fascinant. Oui. Merci beaucoup, Adèle.